Pour le cœur des filles. Sing, sing your love, ah. Sing, sing your love, ah. Sing, sing your love, oh, oh. Il chante comme ça l'amour des filles. Et ça fait, elle nous rend complètement dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue. Elle nous rend complètement dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Et ça fait oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. J'irai demain te chercher au bout du monde. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue. Elle nous rend complètement dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue. Elle nous rend complètement dingue, dingue, dingue.